Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est sur 245 Dequin secteur Mistassini au numéro de téléphone 88-276-8080 et est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Il a fait un très bon papier sur le site leblitznfl.com. On sait qu'on parle avec notre ami Tony Gouzeau régulièrement, mais là, c'est Hugues Fauché, qui est un des collaborateurs du site également, qui a écrit un article sur Bill Belichick et le plan de Bill Belichick. Et j'ai trouvé ça tellement bon que j'ai décidé de le rappeler. On va parler avec Hugues Fauché. Salut Hugues! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Hugues, très bon papier en passant sur le site leblitznfl. Que tu as fait pour évidemment pour comprendre le plan de Bill Belichick. Écoute, c'est une année vraiment de transition chez les Bills, chez les Patriots plutôt. Et dans un premier temps, ben, tu parles évidemment de la fin d'un cycle. On dit qu'en 2014, les Pats, l'année qui a remporté le Super Bowl, a raison évidemment contre les Seahawks de Seattle, c'était l'équipe la plus jeune. Et là maintenant, c'est l'équipe la plus vieille. Absolument. En 2014, c'est la moyenne d'âge était de 25 ans. Voilà. C'est la plus jeune équipe de l'histoire à avoir gagné le Super Bowl. L'année dernière, les Patriots, à 27 ans, étaient la plus vieille équipe de la NFL. Donc, beaucoup des vétérans là, qui ont gagné, qui ont fait ce cycle-là, ça arrive à leur fin, dont des gars comme Gronkowski, Brady, qui ont vieilli, qui sont partis maintenant. Là, donc, on a effectivement atteint la fin du cycle. Mais ça dépasse l'âge aussi, c'est que là, avec la perte de quelqu'un, d'un joueur bannière comme Brady, tu peux pas remplacer Brady. Hein? On parle souvent à quel point les Patriots sont bons pour toujours remplacer les joueurs à mesure où ils partent, et puis ils fonctionnent un peu comme une équipe universitaire, là, c'est-à-dire ils gardent leurs joueurs un certain nombre d'années, mais il y a toujours un roulement, mais un gars comme Brady, c'est la fin d'une époque, et puis il faut que tu te réinventes et repenses ton équipe et trouves de nouvelles façons de gagner. Tu peux pas juste continuer, là, c'est la fin de quelque chose et puis le début de quelque chose d'autre. Là. OK. Et là, maintenant, tu parles de ce qui est intéressant, parce que moi, je voyais bien, j'aurais vu Andy Dalton avec les Pats. Moi je veux te dire une affaire, j'étais pour le corps de transition et pour remplacer Tom Brady, parce que la pression va être énorme sur Jared Stidman. J'aurais bien vu Andy Dalton un an ou deux avec les Pats, mais finalement, ce que tu expliques, c'est que la situation, le cap salarial a fait en sorte que peut-être qu'il restait pas assez d'argent sur le cap pour signer Andy Dalton. Effectivement, les Patriots, c'est une partie du texte, là. Les Patriots n'ont pas d'argent cette année. Je pense qu'ils ont, c'était moins que 2 millions en dessous du cap. En 2021, par contre, la situation salariale va être bien meilleure. On parle de 100 millions de dollars environ en dessous du cap. Mais cette année, c'est le. Comment je peux dire ça? C'est le temps de payer pour des décisions qui ont été prises dans les dernières années. Donc, un gros montant aussi en dead money qu'on appelle. Donc, on continue de payer des contrats de joueurs qui sont plus avec l'équipe parce qu'on a pris des décisions à court terme. Puis, c'est ce qu'il fallait que Belichick fasse. Il était dans sa fenêtre d'opportunité pour gagner. Alors, ils ont pris des décisions à plus court terme. Et puis, 2020, c'est l'année où ils payent la facture, finalement. C'est normal. Ça arrive à toutes les équipes. Et puis, je pense que dans ces conditions-là, signer un corps comme Dalton, ils n'avaient pas la place pour le faire. Et puis, de toute façon, on s'entend que c'est pas nécessairement une année de Super Bowl 2020. Là, on souhaite avoir une bonne équipe, mais c'est plus 2021 où les Patriotes vont pouvoir se remettre en selle là, et tout en survivant à l'année 2020. Mais j'aimerais tellement ça. Ce serait tellement drôle pour tous ceux et celles qui ont quitté le Ben Wagon à cause de Tom Brady. Là. J'aimerais ça les revoir. Mais je sais que c'est pratiquement impossible dans le fond. Et évidemment, là, tu pars évidemment que du côté de la situation des carrières. Écoute, moi j'ai été un de ceux qui était très très surpris. J'ai été très impressionné par Jarrett Stidham lors des matchs pré-saison. Est-ce que sa progression là, durant la saison a été aussi bonne? Parce que là, on l'a perdu de vue, évidemment. C'est sur les entraînements qu'il faut le voir. Là. Oui, non, c'est sûr. On l'a pas vu, moi non plus, mais les rapports qu'on a étaient tous excellents. Écoute, cette année, juste si tu te permets, c'est un peu comme 2008. Tu t'en souviens sûrement, les gens qui nous écoutent, là, ceux qui sont des partisans de football de plus longue date vont s'en souvenir, quand Brady s'est blessé pour la saison en 2008, on s'en souvient. Faut se rappeler que à l'époque, c'est le premier match de la saison, première série de jeu, et puis il se fait plaquer par Bernard Pollard de Kansas City, puis il est sorti pour l'année. À l'époque, tout le monde demandait un vétéran. Les gens ne croyaient pas que Matt Cassel, qui était un corps qui n'avait même pas débuté un seul match à NCAA, un corps réserviste. Il n'avait pas été repêché, je pense, aussi. Hein? Il avait été repêché en septième ronde. Ah, OK. Et c'est un choix de septième ronde. Écoute, je vais être honnête avec toi, là, juste tranche. Quand Cassel avait été repêché, j'avais aucune idée de c'était qui. Il n'avait jamais joué un match à NCAA, même si je suis ça de près. Alors, moi, je pensais que c'était presque une farce. T'sais. Je pensais que c'était... Je sais pas si tu te souviens quand le Canadien avait repêché un joueur japonais en 12e ronde pour protester contre le fait qu'il y avait 12 rondes au repêchage en disant on ne sait plus qui repêche. Moi, je pensais que c'était un peu le même genre de scénario pour dire 7 rondes, c'est long, puis... Parce que je trouvais, honnêtement, le gars avait même jamais débuté un match, mais finalement, c'était pas du tout une farce. Il a même quand même connu une belle carrière à NFL. Alors, plus comme un réserviste, mais quand même duré longtemps. Et puis, personne s'attendait à ce que Cassel, mais Belichick est tellement bon pour développer des joueurs qu'il en a fait un corps arrière quand même valable. Puis les Patriots ont fini 11-5 en 2008 avec ce gars-là comme corps. Alors, tu sais, c'est un peu la même situation où si Belichick a été capable de faire quelque chose avec Matt Cassel, je vois pas pourquoi il pourrait pas avec Jarrett Stidham. C'est un meilleur prospect que Matt Cassel, on s'entend. Parle-en de Jarrett Stidham. T'en fais le segment sur le site lebitsnfl.com. Donc, tu parles de lui, un carrière qui est à l'université de Baylor, qui est transféré. Il y a eu un scandale sexuel. Il n'était pas impliqué, mais par contre, ça l'a fait transférer à Auburn. Oui. Alors, moi, la première fois que Stidham a joué, c'est un ancien prospect 5 étoiles qu'on appelle. Là. Ouais. C'était quelqu'un qui avait des grosses attentes. La première fois qu'il a embarqué sur un terrain, c'est à Baylor en 2015, suite à une blessure au corps partant, qui était dénommé Seth Russell, qui n'a pas eu de carrière par la suite. Et écoute, il a sauté dans la mêlée. Moi, j'ai eu la chance de voir ce match-là. Des fois, ça arrive. Là, tombe sur le match. Et donc, première fois qu'il embarque sur le terrain, 400 verges, 3 passes de toucher et victoire de 31-24 contre... donc, c'était contre Kansas State. Un très beau match de sa part. Il a très bien joué par la suite. Honnêtement, à ce moment-là, il donnait vraiment l'impression d'être un gros prospect. Et il a été blessé le reste de l'année après seulement 3 matchs, finalement. Et, il a quitté, comme tu le mentionnais, Baylor à la fin de l'année. Le reste, ça a été un peu de la gestion de crise. Hein? Il s'est retrouvé dans une situation difficile. Il a signé avec Auburn, qui n'avait pas un système offensif qui lui convenait très bien. Auburn, c'est plus une université d'habitude que des carrières qui courent avec le ballon. Lui, c'est un pocket passer. Donc, il a quand même connu une bonne saison en 2017. Il a 3000 verges, 18 passes de toucher, 6 interceptions. Il a amené Auburn en finale la conférence SEC. Ils avaient perdu, je pense, c'est contre Georgia cette année-là. Ouais. C'est ça, donc c'est quand même bien. Il n'avait pas connu de mauvaise saison. À cette époque-là, il aurait pu être un choix peut-être de fin de première, début de deuxième ronde. Et par la suite, par contre, il a connu une mauvaise saison, une saison moins bonne en 2018. Il n'a pas rencontré les attentes. Puis là, c'est toujours de savoir... qu'est-ce qui, est-ce que, pourquoi il a régressé, ça fait toujours un peu peur aux équipes. Alors, il s'est retrouvé en quatrième ronde, mais pour rassurer les gens, c'est pas un gars qui sort de nulle part, Jared Stidham, c'est un gars qui a un potentiel. Ben moi, Wallet m'avait dit que c'est un carrière qui aurait été Auburn, qui aurait pu être repêché en première ronde, mais le système de jeu était pas favorable pour lui, puis il avait connu une mauvaise année lors de son année de repêchage, puis c'est ça qui l'avait fait reculer en quatrième ronde. Totalement d'accord. Mais en même temps, puis comme je te disais, au moins pour que les gens comprennent bien, là, moi, au même âge, là, un comparable, ça c'est Kirk Cousins à peu près, qui avait été repêché en quatrième ronde, puis qui a connu le même genre de carrière que Stidham, c'est-à-dire certains points hauts, certains points faibles. La différence entre les deux, par contre, c'est que Stidham, lui, va être coaché par Belichick. Ouais. Est-ce que, comparé à Jimmy G? Ouais. Il a été un petit peu meilleur en pré-saison l'année passée que Jimmy G. Ouais. À l'année recrue. Donc, je te dirais, je pense que ça peut se ressembler. Mais moi, je crois un petit peu, au même âge, là, je crois un petit peu plus à Stidham que je croyais en Jimmy G. Par contre, Jimmy G s'est bien développé, il a travaillé fort. Mais si Stidham a la même approche, j'ai pas de raison de penser qu'il serait moins bon que Jimmy G. OK, OK. Donc, on espère. Et lors du repêchage également, les Pats cette année, moi, j'étais sûr qu'ils allaient repêcher une carrière. Par contre, ils n'ont pas repêché une carrière, ils ont reculé. Et tu parles évidemment qui sont allés chercher de bons joueurs de ligne offensive et également deux alliés rapprochés. Ça, c'est pas sans rappeler Aaron Hernandez l'année où ce qu'on avait fait Aaron Hernandez et Gronk la même année, là. Tout à fait. Le repêchage a vraiment confirmé ce qu'on se doutait un peu, c'est-à-dire un, pas repêcher de corps arrière de façon à pas amener de controverses de corps arrière. Donc, il y en avait des papiers de disponibles, mais si Belichick décide qu'il va avec Stidham, il n'amènera pas un vétéran ni une recrue pour créer de la controverse. C'est Stidham et puis c'est tout, puis vous allez vous arranger pour que ça fonctionne, comme il avait fait avec Matt Cassel en 2008. C'est-à-dire, c'est lui, puis les joueurs, vous allez vous regrouper autour de lui, puis vous arranger pour que ça fonctionne. Deuxièmement, il est en train de créer un système de jeu qui va aider le jeune corps arrière. Donc, deux alliés rapprochés. Il a aussi été chercher un centre arrière durant la saison morte d'Anny Vitale. Donc, puis il n'a pas repêché de receveur de passe. Donc, pour moi, c'est un signe clair là, qu'on va voir beaucoup de formations qu'on appelle power ou formations... en puissance, donc deux ailiers rapprochés, un centre arrière. C'est souvent ça qu'on fait avec un jeune carrière. Hein? Jeu au sol, jeu robuste, après ça, pour éviter le moins d'erreurs possible, pour enlever de la pression au carrière. C'est souvent ça. La clé pour les Pats cette année, c'est top 10 défense, top 10 à jouer au sol, puis Stidham juste assez bon pour gagner les matchs quand ils sont sur la ligne, puis s'ils sont capables de faire ça, ça pourrait être une bonne saison. Mais ça va prendre de la course, ça c'est clair, il faut une bonne attaque au sol, et puis rappelle-toi que l'année passée, les Patriots avaient repêché Damien Harris, qui était super bon en passant, puis ils ont déjà Sonny Michel, mais ça c'est deux gars qui ne peuvent pas, comment je peux dire, c'est des spécialistes, ils sont bons quand ils sont dans des power formations, mais ils sont pas bons si tu les mets dans une formation shotgun ou parapluie avec des formations à 3, 4, 5, pas 5, mais 3 ou 4 receveurs de passe, ils seront pas très bons dans ce genre de formation-là, ça leur prend de la course en puissance, c'est des gars qui courent entre les bloqueurs, puis le fait qu'on en ait deux de ce type-là aussi, c'est un indicateur qu'on va voir beaucoup de courses en puissance cette année. Asie puis Keane sur les deux prospects. Quand Asie était repêché en troisième ronde, j'étais surpris là, parce qu'il n'y a personne qui classait dans le top 5 de leurs ailiers rapprochés. Mais c'est pas un mauvais choix. C'est un gars qui jouait dans un système à UCLA où il n'y avait pas un très bon corps arrière. Moi, j'avais remarqué tous les films qui étaient souvent dégagés dans les ondes profondes, puis ils ne recevaient pas. Souvent, le corps arrière le voyait simplement pas. Donc, mais il est bon sur les tracés de passes profondes. Dalton Keene, c'est plus un gars qui va jouer parfois dans le champ arrière. Courte passe, tout ce qui est courte passe, les screens, comme dépanneur, il est excellent quand il a le ballon dans les mains. Okay. Donc, c'est deux gars qui sont complémentaires. Puis quand j'ai vu les deux ensemble, je me suis dit, bon, ça fait séparément, pas sûr, mais les deux ensemble, ça fait beaucoup de sens, honnêtement. Ils vont être très complémentaires, puis ça va. C'est deux gars qui sont très bons quoi, pour bloquer dans les jeux de passe. Très important. Donc, tu vois les Pats comment? C'est sûr qu'ils jouent dans une division faible. 9-8, c'est-tu réalisable? Oui, quoique, si je me trompe pas, on en avait parlé hier, mais si je me trompe pas, le calendrier, on va rajouter une équipe en série, mais je pense que le calendrier demeure à... OK, à 16 matchs. Mais c'est l'an prochain? C'est après ça, ouais. Okay. Donc, 9-7, ça m'apparaît réalisable. Je te dirais, même moi, 10-6, même si le calendrier est difficile, il m'apparaît comme pas irréalisable là, pour les Patriots. La défense va continuer d'être bonne. Comme je te dis, ça va prendre, par exemple, top 10 défense, top 10 à jeu au sol, puis que Stidham ne fasse pas d'erreur, puis qu'il soit capable de gagner les matchs serrés. Je pense qu'on peut même aller chercher un 10-6. Là. Mais on s'entend, une participation aux séries va être une victoire cette année. Oui, c'est sûr. Ben, on va se reparler bientôt, Hugues. Très intéressant. Et on va faire une pause. Et par la suite, je veux te savoir ce que tu as pensé de Tom Brady avec les Buccaneers de Tampa Bay. Donc, vous êtes à l'écoute d'entrevue avec Hugues Fauché. La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-8080 et est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, L'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. Retour à danadosport.com avec Hugues Fauché qui a écrit un excellent article sur le site de Blitz sur la situation des Patriots de l'Angleterre. Hugues, je t'ai gardé dans un deuxième temps pour parler de Tom Brady avec les Buccaneers de Tampa Bay. D'abord, est-ce que tu as été surpris de le voir partir à Tampa Bay? Oui, sur le coup, ça faisait pas partie des possibilités tellement pour moi, mais quand tu y repenses après, par exemple, c'est un choix qui est intelligent de sa part, je pense. Okay. Je vais t'expliquer, deux secondes pour expliquer la situation qui explique son départ pour moi. J'ai fait un paragraphe là-dessus. Il y a beaucoup de théories là, sur des supposés conflits de personnalité entre Belichick, maintenant McDaniel, Brady. Juste pour te dire, moi, je crois pas tellement à ça. Okay. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que Brady a joué 20 ans en Nouvelle-Angleterre en acceptant pas mal moins d'argent que ce qu'il aurait fait ailleurs. On s'entend. S'il y avait eu un conflit de personnalité si gros que ça avec Belichick, il n'aurait pas joué en Nouvelle-Angleterre en étant parfois là, même pas le 10e quart arrière le mieux payé de la Ligue alors qu'il était le meilleur. Il a laissé de l'argent pour jouer avec Belichick parce qu'il croyait dans ce que les Patriots faisaient. Moi, je pense que c'est plus un différent de philosophie ou de comment gérer l'équipe. Belichick voulait un style plus conservateur, plus axé sur la course comme dans les séries de 2018. C'est pas ce que Brady voulait d'après moi, puis son départ pour Tampa Bay le prouve. Est-ce que la situation d'Antonio Brown parce qu'ils sont, de toute évidence il l'a pas pris, Antonio Brown restait sur Tom Brady, ça peut être peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Clairement. L'année passée, là, le plan des Patriots n'était pas si clair que ça. Mais ce qu'on sait, c'est que c'était pas clair. Leur pêchage, ils ont repêché Harry. Après ça, ils sont allés chercher Gordon puis Brown, peut-être pour faire plaisir à Brady. Ça n'a pas marché. À la fin de l'année, ça a été un peu catastrophique. C'est que oui, moi je pense que ça n'a pas aidé. Puis je pense que Brady, lui, il est allé vraiment pour une équipe. Il a choisi un des coachs les plus agressifs de la NFL, qui est un bien meilleur coach que ce que beaucoup de gens pensent, Bruce Arians. Très bon, excellent coach. Très agressif, lui, il va le passer le ballon. Avec des bons receveurs de passe, deux très bons alliés rapprochés. Maintenant, le Gronkowski, Howard, Anthony Auclair est bon aussi. tu sais, il est allé chercher vraiment là, une offensive avec plein d'armes, puis où il va pouvoir passer le ballon en masse. Puis moi, je pense que c'est ce qu'il voulait. Il voulait continuer de passer le ballon 30-40 fois par match, puis c'est pas ce que Belichick voulait. Puis à un moment donné, lui, il considérait que la meilleure façon de gagner, c'était de continuer de passer le ballon. Belichick voulait autre chose, puis ils se sont pas entendus. Puis c'est une Brady est trop intelligent pour s'en aller pour un conflit de personnalité. Moi, je pense que c'est une décision business où il a décidé que finalement, lui, sa meilleure chance de gagner, c'était dans une autre équipe. Puis il a décidé d'y aller pour ça. Moi, j'achète pas là, le conflit de personnalité. J'embarque pas là-dedans. Je pense que ça se peut, tu sais, que ça allait jouer, mais moi, je pense que Brady a choisi une équipe comme il la voulait, comme il aurait voulu que les Patriots soient, mais c'est pas ce que Belichick était en train de faire. Moi, je vais te dire une affaire, j'ai ma théorie là-dessus. Je te dis que oui, vas-y. À 42 ans, Tom Brady, là, il aurait été bien mieux de prendre sa retraite. Moi, je. Oui. Je me rappelle de Peyton Manning, comment c'est le pire carrière à avoir gagné le Super Bowl. Puis Peyton Manning à Denver, la dernière année, c'était trop. T'sais, Tom Brady n'avait plus rien à prouver, il n'avait plus rien à gagner. Moi, je trouve ça dommage. Écoute, je vais être d'accord. Moi, là, tu te rappelles-tu des dernières images de Joe Montana avec les Chiefs de Kansas City? Ouais. T'as pas le goût de voir ça, là, de Tom Brady, là. Te rappelles-tu, je te parlais même pas de Brett Favre, là, avec les Jets, ça faisait dur. Ouais. Te rappelles-tu de Emmitt Smith avec les Cards d'Arizona? Exactement. Tu sais, c'est notre mémoire a effacé ça. On n'a pas envie de voir ça, là. On s'en souvient, mais on veut pas trop garder de souvenirs de ça. Brady avec une autre équipe, ça nous tente pas tant que ça non plus. On veut pas qu'il se plante. Il n'y a personne qui veut le voir se planter. Puis là, il va à 43 ans durant la saison. Je parie jamais contre Tom Brady, là. Mais ce sera pas facile. Aussi, là, je peux le rattraper. Puis ça peut descendre très vite à cet âge-là. C'est quelqu'un que j'ai, puis t'as bien fait de parler de Peyton Manning en fin de carrière. Là, sa dernière année, lui, je pense qu'il est vraiment parti au moment où il fallait qu'il parte. Là. Le Super Bowl qu'il a gagné contre les Panthers de Caroline, c'est la défensive. Il a gagné. C'est pas Peyton Manning du tout. C'est la pire performance d'un carrière à avoir gagné le Super Bowl, même devant Trent Dilfer. C'était très ordinaire. Puis, en tout cas, très, très intéressant. J'invite les gens à aller sur le site leblitznfl.com. C'est notre ami, évidemment, Tony Guzzo et Wallet qu'on parle toutes les semaines. Mais là, je pense que c'est un très, très bon article sur le plan de Bill Belichick. Merci beaucoup, Danny. Merci pour ton invitation. Hugues Fauché, du site internet leblitznfl.com.